Chapitre 6e. La vieille femme, en dépit de son calme habituel, était fort agitée. Dès qu'elle fut en voiture, elle interrogea sa belle-fille. « Paul ne vous a rien dit au sujet de cette alliance universelle ?»« Absolument rien. »« Vous savez qu'il ne cause pas souvent avec moi, et qu'il évite avec un soin tout particulier de traiter les questions financières. »« Il prétend, avec raison, que je n'y entends rien. » »« Mais il a cru à cette valeur. » Il en a acheté tant qu'il a pu. Que voulez-vous que j'y fasse? Il peut être ruiné. Eh bien, il sera ruiné. Ma fortune personnelle suffira pour deux. Avec 120 000 livres de rente, on ne meurt pas de faim. À cela, il n'a pas touché, puisque mon tuteur a tenu à me marier sous le régime dotal. Depuis longtemps, je sais que Paul joue et que par conséquent, il peut perdre. Cela ne me regarde pas. Son argent est à lui. Mais il peut, dans ses sales tripotages, perdre non seulement son argent, mais son honorabilité. » Josette tressaillit imperceptiblement. « Elle est aussi à lui, » répondit-elle après un instant de silence. « Il n'a pas d'enfant. Sa réputation lui appartient. »« Oh !» s'écria la pauvre mère bouleversée. « Vous le détestez donc ?»« Moi ? Pas le moins du monde. Seulement je connais son caractère, son prodigieux entêtement. À quoi sert de se heurter à des murailles ?»« Si pourtant... on essayait de l'arracher à ces gens, de lui prouver qu'on le dupe. C'est tenter l'impossible, et j'avoue que pour ma part, je ne me sens pas le courage de recommencer ce que j'ai fait autrefois. Nous avons au début essayé tous deux de maintenir Paul dans un autre milieu. Vous cherchez à retenir vos anciennes relations, je voulais, moi, recevoir des gens de mon monde. Les uns et les autres se sont peu à peu retirés. Il n'est pas très agréable, comme vous le disiez hier, de se rencontrer dans un salon avec M. Laréole, qui jusqu'à ces derniers jours était un habitué, Mme Hart, les Ledreux, voire même avec la toujours belle Mme de Villefranche. J'en passe, et des meilleurs. Pour Paul, au contraire, ce monde est le seul. Il n'en comprend pas d'autre. Laissez-le s'y amuser. Mais je ne peux prendre les choses avec cette indifférence. Je suis sa mère. Ce qui n'empêche pas qu'il reçoit assez mal les observations que de loin en loin vous croyez devoir risquer à ce sujet. Si vous essayiez, vous, Josette, il accepterait peut-être de sa femme. Sa femme, dit amèrement la comtesse. Oh, si peu. Elle ajouta d'un ton bref. Il est inutile d'insister, je ne parlerai pas à Paul. Madame Auray regarda sa belle-fille avec tristesse. Je vois que vous avez un chagrin, un ennui quelconque. Vous n'êtes pas ainsi sèche et mauvaise sans raison. Depuis ce matin, mon enfant, vous n'êtes pas vous-même. Josette ne ment jamais à ceux qu'elle aime. Oui, j'ai un grand chagrin. Je l'ai eu, c'est-à-dire... Et saisissant la main de sa belle-mère, elle lui dit tendrement. Pardon, maman, vous voudrez bien, n'est-ce pas, oublier ma méchante humeur. Chère petite, depuis 6 ans que vous êtes ma fille, c'est la première fois que je vous vois ainsi. Je sentais qu'il fallait un motif sérieux. Dites-moi, est-ce que ce chagrin vous vient de Paul? Ah, grand Dieu, non! Fit Josette, d'un air insouciant et lassé. Madame Moret soupira. Il y avait dans ce « ah, grand Dieu, non » une absolue indifférence. La jeune femme semblait dire clairement « Comment voulez-vous qu'un chagrin me vienne de lui? Il ne peut me causer ni chagrin ni plaisir, il ne compte pas. » Madame Moret souffrait. Sans s'étonner toutefois. Depuis longtemps, elle voyait l'abandon complet dans lequel son fils laissait la jeune femme. Il remplissait Paris du bruit de ses aventures galantes, sans se demander si cette façon de comprendre le mariage plaisait à Josette. Souvent, la belle-mère avait admiré la patience et le tact de sa belle-fille. Une nature moins parfaitement honnête se fût vengée de tant d'offenses. Elle était femme, après tout, cette belle créature délaissée, et de plus, elle aimait. Car Madame Moret avait deviné l'amour de Josette. Depuis 2 ans, elle lisait clairement dans le cœur de la comtesse et elle l'admirait sincèrement. Cette mère, si dévouée, cette épouse irréprochable, jugeait sainement, bien que le bonheur de son fils fût en jeu. Paul était à ses yeux très coupable. Pourquoi laissait-il cette jeune femme adorablement belle, seule, isolée, abandonnée à elle-même, au milieu de ce monde facile où toute faute est tolérée, acceptée étalé même, sinon au grand jour, du moins un jour discret, où l'on blague les femmes vertueuses et les ménages unis, et elle marchait droit, sans un faux pas, en dépit de ses excentricités d'allure. Cet enfant, élevé sans mère, avait une rigidité de principe et de croyance qui stupéfiait Madame Moret. Certes, elle aimait son fils, mais elle adorait sa belle-fille et souffrait de la voir malheureuse. Rapprochant la tristesse de Josette de l'attitude constamment pressée de M. de Lalonde près de Madame de Guibray, la vieille femme comprenait vaguement le motif du grand chagrin dont lui avait parlé sa belle-fille. Elle demanda, ayant l'air de plaisanter, pour ôter à sa question toute apparence d'enquête. « Ainsi donc, nous avons un bien gros chagrin. » « Oui, maman, ce matin surtout. Oh, ce matin, j'étais vraiment malheureuse, allez. À présent, ça va mieux, j'ai réfléchi. J'ai compris que j'étais une sotte. Je vais redevenir gaie, vous verrez. » Et regardant la physionomie inquiète de sa belle-mère, « Allons bon, c'est vous qui êtes triste à présent. » Encore cette bête d'histoire de l'Alliance universelle, je parie. Et vous vous inquiétez probablement pour rien. La mère La Saussaie est une vieille folle qui ne sait jamais un mot de ce qu'elle dit. Le soir, après dîner, tandis que M. Moret fumait un cigare avant de sortir, la comtesse fut pleine d'entrain. Elle causa gaiement, effleurant 20 sujets, lançant de ces mots de gamin de Paris, qu'à la profonde stupéfaction de l'excellent M. Jost, elle affectionnait déjà autrefois. « C'est inouï, » disait le pauvre homme. « Au fond de la Bretagne, elle parlait ainsi, sans avoir pourtant jamais entendu personne s'exprimer de la sorte, car ce n'était certes pas moi, ni même Madame la baronne de Jouan. Et l'oncle Jean, M. Jost, vous oubliez l'oncle Jean. Oh, M. le comte venait si rarement à Scaire. » Et il se surveillait tant que vous étiez là. « C'est vrai. D'ailleurs, j'ai parlé comme ça de naissance. » Je me souviens que je parlais cette langue harmonieuse à Fenris, lorsque nous étions perchés tous deux sur les rochers de la baie de Skaer. « Viendrez-vous aux courses demain ?» demanda M. Moret. « Non, demain j'irai au conservatoire. Mais auparavant, je dois voir un tableau chez Dammartin. »« Ah, chez Dammartin ?»« Oui, il y a un tableau que je désire et qu'il veut vendre. On me prévient que je puis passer chez lui demain. Il n'y sera pas. »« Le tableau ?»« Non, Dammartin. » Il sort de 2 à 6. Naturellement, il va à Auteuil tous les dimanches, mais je suis étonné qu'il y aille demain. Pourquoi ça? Parce que si j'étais lui, je resterais chez moi quand vous devez y venir. Ça ne l'avancerait pas à grand-chose. Je l'espère bien. Mais quand on est fat, on attend toujours un incident, un hasard. Ah, vous allez comme ça chez la vieille rognure, toute seule? Toute seule ou pas toute seule, maman viendra peut-être avec moi. Ah non, par exemple, assez de tableaux. « En voilà pour quelque temps, » dit en riant Madame Moret. « Vous savez que je plaisante, » reprit Paul Moret. « Laissez maman tranquille. Vous pouvez fort bien aller voir sans chapeau le tableau de la vieille rognure, cette pauvre maman. Elle avalait tantôt 1 heure et demie d'aquarelle. C'est d'un dur. Je ne pourrais pas lâcher les Ledru, moi, sans ça. »« Tiens, pourquoi donc ne pouvais-tu pas les lâcher ?» demanda Madame Moret d'un air naïf. « Dame !» répondit-il un peu embarrassé, quand on a promis à des amis de les accompagner. « Ah, ce sont tes amis, je ne savais pas. Mais, et tu leur as promis de les accompagner. Dis-moi, est-ce que tu connais quelque chose aux aquarelles, toi ?»« Non, mais... » »« Mais, » reprit la vieille femme, se lançant malgré elle, « ils désiraient se produire en public escorté par toi. Je comprends ça. Tu es, pour la petite Ledru, un cornac très présentable. » Et tu es en même temps le monsieur qu'on montre aux actionnaires qui veulent tâter. On te désigne comme un ami intime de la maison. Cela fait bien. Ce financier louche pouvait plus mal choisir. M. Moret était pourpre. Louche, dit-il violemment. L'homme le mieux posé, le mieux pensant. Parbleu, il faut bien qu'il soit bien pensant. C'est son seul moyen de se décrasser. C'est grâce à ça qu'il fait marcher sa boutique, et que le prince de Kildare et quelques noms ronflants aidant, il pince les gogonettes comme toi et bien d'autres. Car on a beau dire qu'il n'y a plus d'honnêtes gens, il y en a toujours lorsqu'il s'agit de se faire duper. Dans ces cas-là, il en sort de terre. Ma mère, l'Alliance est une société. Très chic, oui, je sais. C'est pour ça que tu en es, on y reçoit, ou soi-disant, la bénédiction du pape pendant les assemblées d'actionnaires. C'est honteux. On se sert de la religion pour exploiter plus en grand. Cela, joint à la satisfaction d'appeler le prince de Kildare « mon cher prince », aux réunions du conseil, vaut bien de risquer la ruine, et même la police correctionnelle, n'est-il pas vrai? Car tu en es de ce conseil. Ne nie pas. Tu me l'as pas dit, mais je le sais. Eh bien, quand cela serait, que vous importe? Il m'importe beaucoup de voir ton nom mêlé à ces tripotages. Sans même parler du préjudice moral que cela te cause, tu peux perdre beaucoup d'argent et... Ah, de grâce! Dit M. Moret d'un ton cassant. Ne parlons pas affaires. Je dîne ici le moins souvent que je le puis. Je m'arrangerai pour y dîner plus rarement encore. Il est tout naturel que Ledru ait des ennemis. Chacun le sait déterminé à tomber la banque juive et à la veille d'y parvenir. À moins, dit tranquillement Josette en s'asseyant au piano, que ce ne soit la banque juive qui le tombe. Peut-on savoir quel est le grand financier qui vous renseigne si bien? Demanda en ricanant le comte. Aucun. Je suis tout simplement les évolutions de Madame de Jurieu. Elle a beaucoup de flair, Madame de Jurieu. Tous les désastres et toutes les fortunes de ces derniers temps ont été prévus par elle. Elle s'éloigne de ceux qui dégringolent pour se rapprocher de ceux qui grimpent. Eh bien, voyez, elle a, depuis quelques mois, lâché M. Ledru pour se consacrer uniquement au baron Jassy. D'où je conclus que le baron Jassy tient la corde, et voilà. C'est subtil, grogna M. Moret, qui se leva et sortit du salon. Vous voyez, maman, il le mieux valut ne lui parler de rien, dit Josette qui feuilletait des partitions. Ça l'irrite inutilement. Tenez, regardez M. Jost, il ne parle pas trop, lui. Et elle désigna le vieillard qui, consterné, avait assisté à la discussion sans souffler. M. Jost sourit. « Mon enfant, je me repose. Pendant 10 ans, vous m'avez tant fait parler. »« C'est vrai, mon bon M. Jost, je vous faisais bien enrager, mais je vous aimais bien tout de même, vrai. » L'arrivée de M. de la Fère et de l'oncle Jean ne put distraire Mme Moret de ses préoccupations. La pauvre femme se demandait pourquoi son fils était ainsi abandonné à ce Ledru. Les allures cafardes de cet homme et de sa société financière lui faisaient horreur. Elle éprouvait, à la vue de l'ex-notaire, une sensation répulsive qu'elle avait vainement cherché à vaincre au début.